Louis-Jean Cormier avec la pièce Transistor. Ça nous mène à 8h20 et Google s'associe avec Parc Canada et on va en discuter à l'instant avec Patrick Dion qui est auteur et chroniqueur web. Bonjour Patrick. Hello. Alors, Parc Canada veut mettre en valeur finalement son patrimoine historique et naturel. Ben oui, on aurait tendance à penser que le gouvernement fédéral est pris dans l'âge de pierre avec ses positions créationnistes, mais non, il est aussi capable de mettre le pied dans le 21e siècle grâce entre autres avec un partenariat avec Google qui prévoit de prendre le patrimoine historique et naturel des parcs du Canada et de les rendre accessibles sur Street View. Ironiquement, le lancement de ce partenariat-là coïncide avec le 300e anniversaire de la fondation de l'île du Cap-Breton. Et l'île du Cap-Breton, d'ailleurs, que la capitale qui s'appelle Louisbourg sera le premier parc. En fait, c'est des parcs et des attraits touristiques. Donc, Louisbourg qui sera le premier parc à être disponible sur Google Street View. Donc, avec cette alliance-là, on va aussi ajouter le parc national de Pacific Rim en Colombie-Britannique et les fortifications de la ville de Québec. On annonce aussi plusieurs autres destinations, mais il n'y a encore rien de coulé dans le ciment. C'est le cas de le dire. Quel jeu de mots, c'est le jeu de mots du jour! Ce n'était pas prévu. Je suis comme ça, je suis un Jack in the Box de jeu de mots. Voilà. Mais ce n'est pas la première fois que Google immortalise des paysages naturels comme non, ça. Non, vraiment, ils en ont fait une spécialité. Ouais. On se souviendra peut-être qui est possible de se promener dans la grande barrière de corail australienne, en Antarctique, sur le camp de base de l'Everest, aussi parmi les grandes merveilles du monde et même dans les magasins parce qu'on a aussi le Google Magazine View maintenant. Moi, je l'ai testé récemment. C'est spécial. Ça va super bien quand même. Ouais, je trouve ça intéressant. C'est un magasin virtuellement. J'avais croisé un café bike shop comme ça puis j'avais envie de voir de quelle façon qu'il avait partagé les locaux entre le bike shop puis le café et c'est un café à Chicago. C'était génial. Je me promenais d'une pièce à l'autre. C'était vraiment le fun. Je voulais juste dire aussi qu'entre autres, il y a un site qui se spécialise dans ces parcs-là aux États-Unis, qui est le site Nature Valley Trail View, où on peut visiter quatre autres parcs. Si vous voulez avoir une idée de ce que ça a l'air, ça donne une bonne idée aussi. On va tout mettre les liens comme ça en ligne sur notre Facebook. Ben voilà. Oui. Et tant qu'à parler de Google Street View, peut-être qu'on pourrait passer à ta troisième nouvelle tout de suite, qui est un jeu assez ludique. Assez ludique, assez addictif aussi. J'ai cherché un terme équivalent pour addictif. Est-ce que tu sais si ça existe? Addictive. Addictive en français? On ne sait pas trop. Mais en tout cas, vous allez rester accro. Voilà, on va y aller avec accro. Ben oui, accro. C'est un concept d'un jeune Suédois qui s'appelle Anton Wallen qui a utilisé les données ouvertes de Google Maps et qui a créé un jeu qui s'appelle GeoGuessr. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que c'est hyper simple. Il faut deviner où, grâce à des photos de Google Street View, où on se situe dans le monde. Donc, on clique sur une map. Par exemple, on pourrait être ici, on pourrait avoir une photo au coin de Saint-Laurent et Sainte-Catherine et il faudrait deviner où dans le monde tu es. Après ça, on met un point sur une carte et le jeu calcule la différence entre le réel endroit et l'endroit où on a deviné. Je l'ai testé hier et t'arrives... Étais-tu dans le champ? Oui, j'étais un peu dans le champ, effectivement, mais dans le fond, c'est qu'on arrive sur un coin de rue et là, on regarde l'architecture des bâtiments. On regarde... Je suis même allé voir, il y avait des noms de rue. Je suis allé voir les noms de rue en me disant, bon, c'est en anglais. OK, c'est peut-être aux États-Unis, c'est peut-être... Bon. Et là, tu te promènes un peu dans les rues, tu essaies de deviner et là, tu dis, bon, c'est aux États-Unis. Alors, tu cliques sur les États-Unis sur la carte et finalement... En fait, tu peux être super précis parce que tu peux zoomer sur la carte, mais tu peux pas zoomer out du jeu. Donc, tu peux pas avoir une vue d'ensemble sur le jeu complet dans la photo, mais sur la carte, à côté, par contre, tu peux zoomer in. Alors, oui, tu peux être très, très précis. Si on est dans telle ville, dans telle ville. Et moi, imagine-toi que j'ai confondu le Mozambique et l'Iowa. On peut pas moi, j'ai cliqué aux États-Unis pour la première photo qui m'est apparue. Et finalement, c'est en Alaska. Et j'avais cliqué en Afrique du Sud pour la suivante, puis finalement, c'était au Mexique. Alors, finalement, c'est assez difficile, c'est une partie de 5 photos. Ça dure quelques minutes. Vous pouvez en faire 2-3 d'un coup et y retourner plus tard dans la journée. C'est vraiment, vraiment génial. Et ça fonctionne bien, ce jeu-là, parce que je l'ai vu passer hier, suite à, justement, quand tu m'as soumis tes sujets, je l'ai vu passer sur 3-4 blogs. Donc, GeoGuessr. Évidemment, on va aussi glisser le lien sur notre Facebook. Absolument. Et on termine avec Mister Valère, qui, la formation musicale, musical Mister Valère qui innove sur le web. Ben, Mister Valère qui est reconnu pour être précurseur et pas faire les choses comme les autres. On se souvient avec l'album Friday Night qu'il l'avait complètement donné aux internautes. Et après ça, il s'est inspiré un petit peu de Radiohead pour y aller avec un Pay What You Want pour l'album Golden Bombay. Et ben, cette fois-là, c'est possible. Il propose aux internautes de devenir de soutenir le groupe de façon continue. Donc, pour un certain montant mensuel, on devient membre de Mr. Valère. On parle de tranches de 3, 6 ou 9 $ par mois. Et en échange, on pourra entendre des primeurs ou participer à des événements privilégiés. Par exemple, les 600 premières personnes qui vont soutenir Mr. Valère dans ce projet-là auront accès à l'avant-première du spectacle du prochain album qui va avoir lieu les 27 et les 28 mai prochains. Alors, encore une fois, on innove d'une nouvelle façon. Est-ce que ça va fonctionner ou non? On sait que le socio-financement, c'est très, très à la mode. On leur souhaite, en tout cas, on peut ne pas aimer ou aimer la musique de Mr. Valère, mais on peut pas dire qu'ils sont pas très, très précurseurs. Finalement, on leur offre en quelque sorte un petit salaire mensuel. Une espèce de backstage pass pour un petit montant. C'est un salaire mensuel aussi, finalement. Ouais, exactement. Et de façon continue. Bon, ben, c'est intéressant. Merci beaucoup, Patrick Dion. Bonne semaine. Au plaisir.